أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ففي الدرس الماضي كان قبل العيد أخذنا حديثين كعادتنا كان حديث في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام الذي فيه مراحل الدين. C'est quoi les trois مراحل de la religion qu'on a pris dans le hadith de Jibril? Jibril a interrogé le Nabi صلى الله عليه وسلم sur trois choses principalement. Quelles étaient-elles? L'islam, l'iman, l'excellence, l'ihsan. ثم أخذنا الحديث أحد الحديث لأن الحديث في أدباب متكثرة جدا في الإيمان. وما هو الإيمان؟ هذا أركان الإيمان. أنا سألتك عن الإيمان. اعتقاد وعملون. لا نسيت شيئا. اعتقاد عمل و كيف تدخل في الإسلام؟ بشهادة. كيف نعلم الشهادة؟ بالكلام. اللسان أيوة القول. Donc la foi c'est قول اعتقاد وعمل. Et تزيد بالطاعة وتنقص بالمعصية. Elle augmente avec les bonnes actions. Et le ilm qui est appliqué ce qui s'en suit, il descend avec les mauvaises actions ou alors le manque de bonnes actions. Arsentum. Là, nous avons un hadith jadid. On va essayer d'en prendre trois aujourd'hui, Allah alam, si on a le temps. Yaqul al-iman bi-sirati wal-hawd wal-mizan. Donc maintenant, c'est la foi en le pont, c'est-à-dire le pont qui est au sud del Jahannam. والخود c'est le bassin du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. والميزان la balance sur laquelle sont pesés les actes des serviteurs et les serviteurs eux-mêmes. قال عن أنس et والحديث الخامس عشر c'est le 15e hadith. قال عن أنس رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة قال أنا فاعل قال فأين أطلبك يوم القيامة يا نبي الله قال أطلبني أول ما تطلبني على الصراط قال قلت فإذا لم أرقك على الصراط قال فإن عند الميزان قال قلت فإن لم أرقك عند الميزان قال فإن عند الحوض لا أختي هذه ثلاثة مواطن يوم القيامة رواه أحمد. Donc selon Anas il a dit qu'il interrogeait le Nabi صلى الله عليه وسلم qu'il intercède pour lui يوم القيامة et il a dit je le ferai. Il a dit où dois-je te trouver يوم القيامة au prophète d'Allah. Il a dit dès que tu me chercheras cherche-moi auprès du Sirat. Sirat là c'est le pont. Il a dit si jamais je ne te trouve pas où donc il a dit alors auprès de la balance. Et il a dit si je ne te trouve pas il a dit alors auprès du bassin. Et tu me trouveras forcément à l'un des trois. Ces trois endroits. Je serai forcément à l'un des trois endroits. Yom al-Qiyam. Rapporté par Ahmed. Donc, Al-An, Narof, Yad al-Hadith, Mayarsul, Fil Barzakh, qui est la vie intermédiaire, après la mort, des choses qui s'y déroulent. Entre autres, As-Sirat, dont on va parler, Al-Hawd ou Al-Mizan. Et bien d'autres choses. Mais l'auteur se contente des plus importantes et des plus connues. قال الراوي سي أنس بن مالك. ما كنيت أنس بن مالك؟ نعم. ما كنيته؟ تعرفون كنيته؟ لا سكونيا. سكو سكونيا. أبو حمزة. c'était un Ansari. Et il est né avant la Hijra de 10 ans. C'est-à-dire lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médina, il avait 10 ans. Et il a été au service du Nabi sallallahu alayhi wa sallam durant 10 ans. Et sa propre mère, qui est Sulaym, qui elle-même l'a apporté au Nabi sallallahu alayhi wa sallam en disant « Voici mon fils Anas pour te servir ». Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait un dua. Allahumma aksir ma'alahu wa waladahu. Oh Allah, multiplie ses biens et sa descendance. Et fi'lan, il a dit Anas, que mes biens se sont multipliés par la suite, et mes enfants également, à tel point que j'avais une centaine d'enfants entre les miens et mes petits-enfants. Quand il est mort, il avait plus de 100 enfants. Réalisez. Contrairement aujourd'hui, on fait ce qu'on appelle had al-nasl. Les gens, ils font le contrôle des naissances. Ça n'existait pas ça avant. D'accord ? Ça n'existait pas ça avant. Parce que le but de la Oumma, c'est d'être le plus nombreux possible. Tant qu'il n'y a pas un darar sur le père ou la mère, physique, le but, c'est d'avoir le plus d'enfants possible. Malheureusement, aujourd'hui, on apprend le contraire. Par peur de la pauvreté. D'ailleurs, l'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il n'y a pas de kaba'ir, qu'il n'y a pas de kaba'ir, que tu tues ton enfant par peur qu'il ne mange avec toi. Ou yakul Allah azawajal, ou la taktula ou la dakum, min imlaq. وفي آية خشية الإملاق نحن نرزقهم وإياكم وفي آية نرزقكم وإياهم. Ne tuez pas vos enfants par peur de la pauvreté. C'est nous qui vous octroyons leur subsistance. Ainsi qu'à vous. Et dans une version, c'est nous qui vous octroyons votre subsistance ainsi qu'à eux. Donc il n'y a pas lieu de dire trois enfants, on va être pauvre. Tu peux être pauvre avec un enfant. Et avoir des enfants, c'est une cause de risque, justement. Et quand on dit cause de risque, c'est-à-dire d'avoir ce qui te suffit pour les nourrir. Après, comme vous le savez, Allah Azawajal, il y a des gens qui seront riches, des gens qui seront pauvres. Ce n'est pas une question d'enfants, c'est une question de qadar. Alors, il y a qadar, il y a des gens qui seront riches, enfants ou pas enfants, et d'autres qui seront pauvres, enfants ou pas enfants. L'enfant n'est pas une cause de pauvreté, mais au contraire. Yaqul, donc Anas ibn Malik est parmi les grands rapporteurs de hadith. Il en a rapporté 2286, donc parmi les grands rapporteurs. Il a vécu à Al-Madina, jusqu'après la mort du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, puis il s'est rendu à Al-Basra. Basra, c'est vers l'Irak. Et il est le dernier des Sahaba à y être mort en Irak, en Basra. Pas de tous les Sahaba dans l'absolu. Le dernier Sahabi à être mort à Al-Basra. D'accord ? Mais à d'autres endroits, tu avais d'autres Sahaba. Donc là, dans ce hadith, on y voit que Anas ibn Malik a demandé un dua pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Justement, il ne lui a pas dit des conforts de la dunya ou autre. Il lui a dit sa shafa'a yawm al-qiyama. Ta chafara. Car ça qui est le plus important pour le croyant, c'est ce qui se passe après la mort. Ce qui est dans ce bas monde, c'est éphémère, secondaire, et non forcément nécessaire. Donc les sahaba étaient akhlas an-nas ala ma yarsul fil akhira. D'ailleurs, une fois les sahaba étaient réunis et essayaient de percer la roche pour faire sortir une source d'eau pour leur champ, leur agriculture. Ils sont partis auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam en disant on va demander qu'il invoque pour nous car on n'arrive pas à percer cette roche. Et il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ma'ataytumuni illa bihaja. Vous êtes venu, qu'est-ce que vous avez un besoin? Et il a dit ce jour-là, vous demanderez une chose sans qu'elle vous soit accordée. Et de là, les sahaba, ils sont regardés, ils ont dit ad dunya turidun, est-ce que c'est la dunya que vous voulez? Et à ce moment-là, ils ont oublié leur demande de base. Ils ont dit, ils ont demandé au Nabi sallallahu alayhi wa sallam Kulli Allah Azawajal an yarfir lana. Demande à Allah qu'il nous pardonne. Directement. Dès qu'ils ont su qu'ils avaient un droit qui était exaucé, c'était quoi leur demande? Que Allah leur pardonne. Et là, le Nabi Sansam, il a dit Allahumma irfir li ansar, wali abna al-ansar, wali abna abna al-ansar. Oh Allah, pardonne aux ansar, ainsi qu'à leurs enfants, ainsi qu'aux enfants de leurs enfants. Et bon, aujourd'hui, on vient, on dit, en doa, le père va dire moi je veux être milliardaire, moi je veux être millionnaire, moi je veux ceci, moi je veux cela, direct. Pour montrer la différence qu'il y a entre nous et eux. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit qu'il sera, il intercédera en sa faveur. Ensuite, il a dit, où te trouverai-je, Yom al-Qiyama? Où pourrais-je te trouver? Il a dit, utlubni awwala ma tatlubni ala sirat. Premier endroit où tu me chercheras, c'est auprès du sirat. Donc le sirat, c'est un pont qui traverse al-Jahannam, au-dessus de l'enfer. Et tout le monde y passera. Comme encore le Ta'ala, wa in minkum illa wariduha. Et que tous passeront. D'ailleurs, Aïcha pensait que c'était l'enfer en soi. Il a dit non, c'est le pont au-dessus de l'enfer. Et non pas toute personne passera par l'enfer, dans le sens qu'ils seront dans le feu, mais passeront au-dessus de l'enfer. Et chacun passera sur ce pont en mesure de ses actes. Certains passeront kataraf, comme il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme un clin d'œil. Aussi rapide qu'un clin d'œil. Wa akharun kalbark, comme la foudre. Wa akharun kalrih, certains comme le vent. Wa akharun kalkhayl, d'autres comme le cheval de course. Et d'autres passeront en marchant, et ainsi de suite. Chacun en mesure de ses actes, qu'a dit Dunia, il aura son. On va aller comme ça. Hein. Il aura sa façon de traverser le pont, Yom al-Qiyam. Donc c'est dès maintenant que tu prépares ta traversée de ce pont. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, ana al-sirat, mad hadatun, mazillatun alayhi khatatif wa kalalib, wa hasakatun, mufaltahatatun lahas shawkatun uqayfah. Takounoud bi najdin yukalu laha al-sa'dan. Muttafaqun alayhi. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a décrit ce pont en disant que c'est un pont qui est extrêmement, extrêmement glissant. Et quand tu glisses, où tu tombes ? Jahannam, directement. Et sur lequel se trouvent des crochets, des pinces qui attrapent les jeunes. Certains vont se faire attraper par les pinces et jeter en enfer. Certains se feront égratiner et certains y échapperont. Tout cela en mesure des actes commis en ce bas monde. Et ces crochets sont à l'exemple de ce qu'on appelle sardelle, c'est une plante qui existe avec des grandes épines. Sauf que Yom al-Qiyama, c'est une approche, elles seront bien plus grandes et bien plus effrayantes que celle-ci. Enfin. وقال ابن مسعود يودع الصراط على سوى جهنم مثل حد السيف المرهق أو مرهف عفوا. Et donc ce pont sera posé au-dessus de l'enfer. Il est aussi fin que le fil de la lame d'une épée. C'est-à-dire vraiment, vraiment, c'est pas un pont comme il s'imagine, on marche dessus tranquille. C'est un pont qui est extrêmement fin. Et malgré cela, sur Mouafakoun pour le passé, ce que Allah Azzawajal aura Wafak. Comme on dit, toutes ces choses-là ne sont pas liées sur tes aptitudes physiques et mentales et intellectuelles de ce bas monde, comme la réponse dans la tombe, ou comme le fait de voir le ciel d'Adjel, ou le pont, non. Tout cela sera basé sur ton iman et tes actes de maintenant. Et après, c'est Allah qui fera ton corps agir, ou ta langue parler, ou tes yeux voir, ainsi de suite. Ce ne sera pas de toi, tu vas réagir comme tu réagis maintenant, en pensant que c'est instinctif, c'est normal. Ah, ce ne sera pas normal, ça. Et il lui a dit, si jamais tu ne me rencontres pas, il lui a dit, si je ne te rencontre pas au niveau du sirat, où te rencontrerai-je ? Il a dit, fa'ina'an al-mizan. Al-mizan, c'est une balance. Et cette balance, elle a deux plateaux concrets, par laquelle seront pesés les actes des serviteurs et les serviteurs eux-mêmes. فَمَنْ خَفَتْ مَوَازِنُهُ فَأُولَيْكَ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِنُهُ فَأُولَيْكَ الْمُفْلِحُونَ. Et ceux dont la balance sera lourde, c'est-à-dire lourde de bonnes actions, sont ceux-là qui vont réussir. Et ceux dont les actions seront, la balance sera légère, c'est-à-dire pas grand-chose, et bien ces gens-là, ce seront les perdants. Et l'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, يَدْرَى يُمْ لَقِيَامَ الرَّجُولْ السَّمِينَ أَمَتِينَ وَلَا يُسَوِي عِنْدَ اللَّهِ جَنَحْ بَعُودْ. Tu verras يَوْمَ الْقِيَامَ un homme qui viendra corpulent, imposant, physique. Et pourtant, auprès d'Allah Azzawajal, il ne vaudra même pas le poids d'une aile d'un moustique. D'accord ? Tu le verras en ce moment s'occuper de son corps, son physique, au détriment de l'au-delà. يَوْمَ الْقِيَامَ, ce poids qu'il veut atteindre ne servira à rien du tout. Ce qui servira, c'est le poids de ses actes. En réalité. Attention, la manière de s'entretenir, que la personne prenne soin d'elle-même, ce qu'on veut dire, c'est qu'il ne faut pas en faire une obsession. Et il ne peut oublier qu'auprès d'Allah, ça ne vaut rien, ça. Comme quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, إِنَّ اللَّهَ لَنْظُرُوا إِلَى أَجْسَامِكُمْ وَلَا إِلَى صُوَرِكُمْ وَلَكِنْ نَظُرُوا إِلَى أَعْمَالِكُمْ أَوْ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَفِي رِوَايَةٍ إِلَى أَعْمَالِكُمْ. Que Allah ne regarde pas votre corpulence, votre apparence, ou quoi, mais il regarde vos cœurs et vos actes. C'est ça le plus important qui mérite d'être dans lequel on doit s'investir le plus possible. On se bat bon. Attends. On n'a pas cité le Haoud. فإن لم أكرك عند الميزان قال فأنا عند الحوض. Et si jamais je ne trouve pas auprès de la balance, il va dire je serai auprès du bassin. Donc c'est le bassin du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, min khasa'isihi, parmi ses particularités. Un bassin qui est rempli par l'eau de Kawthar qui vient du Jannah, dont l'eau est aussi blanche que le lait, aussi savoureuse que le miel et dont les gobelets autour sont aussi nombreux que les étoiles dans le ciel. Et celui qui en boira n'aura plus jamais soif par la suite. Et seul sa umma en boira, et seuls les gens de la sunna également. Le Mubtadir, il en sera écarté. Ceux qui ont changé la religion, d'accord, qui ont innové, seront écartés de pouvoir boire de ce haoun. Donc là, on y voit qu'il est obligatoire de croire en ces choses-là, qui sont, par exemple, As-Sirat, qui sont Al-Mizan, la balance, et qui sont Al-Houd, le bassin du Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a un hadith qui est venu que les Kullin Nabi Houd, que chaque prophète a un bassin, Wa'ad al-Hadith, Qad Hukima Ali bi-Dharf, que ce hadith a été jugé comme étant faible. Yakul Fawaid al-Hadith. Jawaz at-tawassul bi-du'a salih al-hay al-hadir, qu'il est permis de chercher intercession à travers le du'a d'une personne pieuse, vivante et présente. Qu'il est possible de demander à une personne pieuse, présente et vivante d'invoquer en ta faveur. D'accord ? Thaniyan, isbat as-sirat wa huwa jisr yamuddu ala matn jahannam yamur an-nas alayhi. Qu'on y voit l'existence du sirat, du pont qui se trouve au-dessus de l'enfer sur lequel les gens passeront. Et bien sûr, les kuffar vont tomber directement, et les munafiqoun également. Seuls les croyants passeront. Après, chacun mesure de son iman. Salisan, isbat al-mizan allazi tuzanu bihi a'mal al-ibad yawm al-qiyamah walaw kaffatan. Et on y voit également l'existence de la balance par laquelle on pesera les actes des serviteurs yawm al-qiyamah, et elle a deux plateaux. Rabi'an, isbat hawd al-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa annahu fi 'arasat al-qiyamah man shariba minhu sharbatan la yadhma'u ba'daha abada. Et qu'on y voit le bassin du Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui aura lieu le jour, au moment du rassemblement. Et celui qui en boira une gorgée n'aura plus jamais soif par la suite. Khamisan, isbat shafa'at al-nabi sallallahu alayhi wa sallam yawm al-qiyamati wa hadhihi shafa'atun khassatun duna al-shafa'ati al-'amma wa qad takunu li takhfif al-hisab wa ziyarat ad-darajat. On y voit également l'intercession du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, d'ailleurs qui sera le prochain, on va en parler dans le prochain bab. Et c'est une intercession qui est spécifique en dehors des intercessions générales. Car plusieurs catégories de personnes peuvent intercéder. Entre autres celle du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui est la shafa'a, la amma, la dit principale. Et chaque prophète peut intercéder, et chaque croyant pieux peut intercéder, et les malaïka également intercéderont. Et celle du Nabi sallallahu alayhi wa sallam peut-être pour minimiser la remise de compte ou ajouter des degrés de valeur aux gens. Et pour rentrer au Jannah et autres. Après la Fatimah, il a raison. J'ai oublié un hadith, c'est lui qui était avant, c'est bien, on va le faire maintenant, Inch'Allah. Le hadith 14, Rabi Achar. Je suis passé au 15 direct, il y avait le 14 à faire d'abord. Yaqul al-Iman, Jazakallahu khair ya khana. Al-Iman bi azab al-qabr liman yastahiqquhu. On doit croire au châtiment de la tombe pour celui qui le mérite. Fa farq bayna azab al-qabr wa fitnat al-qabr. Différence entre les deux. Qui la connaît? Le châtiment de la tombe et la fitna de la tombe. Châtiment, c'est pour le muslim. Fitna, c'est pour le muslim. Fitna, c'est le questionnement, l'interrogatoire. Fitna al-kabr, c'est l'interrogatoire dans la tombe. Man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk. Et azab al-kabr, c'est le châtiment de la tombe pour qui le mérite. Ça peut être un muslim également, ce n'est pas que pour le kuffar. Taïb, قال عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال عذاب أو عذاب القبر حق رواه البخاري. عائشة interroge النبي صلى الله عليه وسلم au sujet du عذاب القبر. Il lui a dit ce عذاب est véridique, il existe vraiment, rapporté par le Bukhari. Car à la base, Aïcha en avait été informée par une Yahoudia, une juive, et Aïcha ne l'a pas cru. Et après, elle est partie demander confirmation auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tu lui as affirmé la véracité des propos de cette Yahoudia, que c'était vrai, qui est Azab al-Qabr. Donc Aïcha, on a déjà parlé d'elle, de sa darjama chez Anna. Donc Azab al-Qabr, c'est un azab qui a lieu dans le barzakh, l'invita média, après la mort dans la tombe. D'accord ? Dans les choses qui sont liées à l'invisible. Et soit tu auras Azab al-Qabr, ou soit tu auras Na'im al-Qabr. À la hasab istiqamatik, ou à la hasab dinik. Soit tu auras le châtiment, soit tu auras la délice. Soit châtiment, soit délice. Cela dépendra de qui tu étais dans ce bas monde, et ça dépendra également de ton passage après l'interrogatoire. Comment tu vas répondre? Et des gens diront, dans le Coran, ça ne parle pas de ce azab. Ici, dans le Coran, il est cité dans différents versets qui ne sont pas forcément explicites en soi, mais que les salafs ont interprété comme étant azab al-Qabr. Et entre autres, l'un des plus clairs, qu'Allah azza wa jal, « An-nar yuradun alayha uduwa wa ashiya wa yom al-qiyamati wa yom al-takum al-sa'a atkhilu alif il-aun ashad al-azab » Il a dit, Allah azza wa jal, dans le sens, ils seront exposés au feu matin et soir. Donc là, on se dit, bah, c'est le feu de l'enfer. Il a dit, et le jour où l'heure viendra, on dira à Pharaon et à ses gens de rentrer au pire des châtiments. Donc ça prouve que la première exposition du feu, c'est pas celle du feu de l'enfer éternel. Sans quoi, où serait l'intérêt de dire que de faire rentrer Pharaon et ses gens au pire des châtiments, après que l'heure elle ait lieu. Donc ça, ce feu exposé au début, c'est celui du Azab al-Qabr, qui a lieu avant la Qiyama. D'accord ? Ensuite, les gens seront sortis des tombes. Bon, allez, comme ça. Après, ils feront tout le parcours qui mène vers le jugement. Et de là, voyez, il y aura ce que vous connaissez comme décret final, Nar au Jannah. Où certains seront Muqattan fi Nar, Thumma, yani Ahl al-Tawhid, Thumma Masiruhum ila al-Jannah. Il y a ceux qui passeront qui iront au feu un temps de façon temporaire, ça c'est le Mouahidoun, parmi les ceux qui ont commis des grands péchés de la Ummah de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et après ils iront au Jannah. Quant aux Kuffar, ils iront au Nar, ils y resteront éternellement. D'ailleurs, Allah azawajal fera venir un kebsh quand les gens du Jannah seront tous au Jannah, du dernier ils seront au Jannah, et que l'homme du feu sera rentré au feu, ça y est, c'est fini, on ramènera la mort sous l'apparence d'un mouton. La mort, sous l'apparence d'un mouton, il sera égorgé. Il sera dit aux gens du Jannah, « Ya al-Jannah al-Jannah, wa la mout abada. Ya al-Nar, al-Nar, wa la mout abada. » Il sera dit aux gens du paradis, « Vous êtes au paradis maintenant, il n'y a plus de mort. » Là, c'est une grande nouvelle. L'une des plus belles nouvelles que pourront entendre les croyants. Quant aux gens du feu, il sera dit, « Vous êtes au feu, plus de mort. » C'est-à-dire, vous êtes là où vous êtes, vous n'allez jamais mourir. Abadan. يقول في الشرح الإجمالي explication globale. سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن عذاب القبر أحق هو بعد أن أخبرتها امرأة يهودية فلم تصدقها فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن عذاب القبر للكفار والمنافقين والعصاة في الحياة البرزخية حق لا شك فيه يجب الإيمان به كما أنه يجب الإيمان بنعيم القبر ولمن يستحق النعيم من المؤمنين. Donc Aïcha a interrogé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à propos du azab, de Qabr, est-ce qu'il est vrai ou pas. Après que justement, comme je l'expliquais, qu'une juive l'en a informé qu'elle n'a pas cru. Car à la base, chez les Yahoud, c'est le mensonge. Quand tu viens nous voir, on ne le croit pas de base. Mais, il y a des choses qui disent qu'ils sont vraies. D'accord ? Et pour preuve, Aïcha est partie vérifier auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam est-ce que ce qu'elle a entendu était vrai ou pas. Mais qu'au début, elle a démenti directement. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a affirmé ce châtiment de la tombe. Il a dit qu'il est pour les koufars, pour les munafiqines et pour les désobéissants de cette communauté à qui il ne sera pas pardonné à ce moment-là, pour expier leur faute. Et cela a lieu dans le barzakh, la vie intermédiaire, la vie qu'il y a après la mort, avant le jugement. Et il est obligatoire d'y croire, à ce châtiment de la tombe, tout comme aux délices de la tombe. Et c'est une chose qui est liée à l'invisible. Donc il ne faut pas faire les imbéciles comme certains qui veulent avoir une religion basée sur le rationnel, qui vont aller fouiller dans la tombe, dire on n'a rien vu, il n'y a rien qui se passe. On dit t'as rien à voir, ça c'est l'invisible. D'accord ? D'ailleurs, même toi, quand tu rêves, tu vois des choses, est-ce qu'en vrai, on les voit, nous, ces choses ? On les voit pas, t'es dans ton rêve, pourtant ça t'arrive. D'accord ? Et bien là, même, ah ou là, chose de l'invisible, on n'a pas cherché à mettre la raison dedans, il n'y a pas de part dans la raison dedans. Tout ce qu'on a, nous, c'est un taqrib, des ma'ani. On a le sens, savoir qu'est-ce qu'il en est. Le ressenti et le comment, ben ça, on le saura quand on le vivra. Mais ce qu'on a là comme aperçu suffit à déjà avoir un avant-goût de ce que cela veut dire. On sait, les termes, on les connaît, on les comprend. D'accord ? On les comprend. Yaqul fawaid al-hadith. Qabl zalika, may akbar asbab azab al-qabr. Akbar asbab azab al-qabr. La plus grande cause qui fasse endurer, subir le châtiment de la tombe. Dans un hadith, c'est venu. Non. Dans le même hadith, il y a deux causes qui ont été citées. Hadith d'Ibn Abbas. Un nabi, sallallahu alayhi wa sallam, rabbi, qabrain, faqala innahuma yu'azzaban, huma yu'azzaban fi kabir, amma haduhuma faqana lestanji, ou lestabri min al-bol, wa mal ahar kana yamshi bin namima. Il a dit, le nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il est passé près d'une tombe. Et il a dit, ces deux-là sont châtiés. Et pourtant, ils ne sont pas châtiés pour une chose qui est immense. Ce qu'ils ont fait, c'est quelque chose à la base qui est facile à éviter. Et il a dit, l'un d'entre eux ne se purifiait pas de l'urine. Il y a eu deux versions. Soit, il ne faisait pas l'estinja, c'est-à-dire il urinait après, il mettait son pantalon par terre, donc l'urine le touchait, les gouttelettes qui, après qu'on ait uriné, tombaient sur lui. Donc ça, c'est un. Ou deux, il disait qu'il urinait devant tout le monde. Dans le sens, il ne se protégeait pas de la vue des gens quand il urinait. Et ça, tu le vois, ça, c'est le comportement pur des koufars. Tu vas le voir dans un coin, là, il va aller, il ouvre sa braguette, il urine, il s'en va. Ni il s'est purifié, et en plus, il a fait devant tout le monde. Vous voyez ? Et c'est un truc tout bête, tu veux le dire, il a dit alors, j'ai mes besoins, j'ai envie et tout. Tu vois, on ne t'attendait pas à faire tes besoins, dis-lui, fais-les bien. Nettoie. Et cache-toi. Mais ça, c'est des causes de Azab al-Qabr. Et deuxième, c'est An-Namima. Quand ils portaient la parole les uns envers les autres en vue de faire des façades, de faire du mal. Donc ça, c'est parmi les causes de Azab al-Qabr. Il y en a d'autres. D'accord ? Al-Kabair, Al-Zalika. Lakin Azab min Akbar Asbab, Azab min Nazafa, Al-Tahara, Bad al-Bawl, Wal-Ra'it min Bab Aula, Wal-Namima. Yaqul, et après le Nabi s'en sort, qu'est-ce qu'il a fait ? ماذا فعل بعدما تكلم بعد هذين الرجلين في قبرهما ماذا فعل حتى يخفف عليهم من العذاب ماذا فعل qu'est-ce qu'il a fait pour minimiser le châtiment c'est ce que les gens s'amusent à faire aujourd'hui alors qu'ils le font sans science qu'est-ce qu'il a fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour alléger leur châtiment Il a pris deux feuilles de piel de palmier et les a plantées chacune sur leur tombe en disant il se peut que Allah leur allège leur châtiment pour cela. Et aujourd'hui, tu as des gens, quelqu'un il est enterré, ils mettent des feuilles de palmier. On dit pourquoi tu fais ça ? On dit Nabi Sallam, il l'a fait pour des gens, il savait qu'il s'est châtié, mais qui te dit que lui s'est châtié ? Tu ne le sais pas ça. Ça, c'est un sous-exemple, tu es en train de dire aux gens, lui s'est châtié là dans la tombe. Donc, c'est pas une chose qu'on doit faire nous. C'est lui une chose qu'il a faite lui, car il a su une chose du raïb de ce qui se passait. Sans quoi, il n'est pas de la sunna du Nabi Sallam d'aller prendre des feuilles de palmier fraîches. Et de les mettre sur la tombe de quelqu'un pour dire pas que ça châtie. Tu ne sais pas. Et les sahabas ne l'ont pas fait après l'une d'Abi sallallahu alayhi wa sallam. Yaqul al-fawa'id. Izbat azab al-qabr liman yastahikuhu wa annahu haqqun yajib al-iman wa yakun ala ruh wal-badan. Donc cela affirme l'existence du azab du qabr pour celui qui le mérite et que cela a lieu sur l'âme et sur le corps. C'est une chose qui est corporelle. C'est-à-dire ton âme va souffrir et ton corps va souffrir. Même si nous, en tant que vivants, on ne le voit pas. Mais le mort, lui, va le sentir. Thaniyan, izbat al-jaza fil akhira wal-kabr awwal marahiliha. Imma rawda min riyad al-jannah aw hafra min hufar al-nar. Et là, on y voit la rétribution après la mort. Et que la première étape, c'est la tombe. C'est là que tout commence. Celui, comme l'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui connaîtra les délices dans la tombe, le reste sera encore plus facile. Et celui qui subit autre chose, on craint pour lui la suite. Dans la remise des comptes et ce qui s'ensuit. Bien que le muwahid finira au Jannah. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne pourra pas être châtié encore pire par la suite. Par rapport à ce qu'il aura commis en ce monde, comme Mukhalafat, comme Dhunub ou Al-Zalika. Donc il a dit, soit tu auras un jardin parmi les jardins du Jannah dans ta tombe, à tel point qu'elle sera à perte de vue. L'horizon sera perdu de vue, tellement sera large, ta tombe. Et tu verras ta place au Jannah. On te montrera la place du feu que tu aurais eu si jamais tu étais allé au feu, et à côté on montrera ta place au Jannah qui t'attend. Ou alors, ça sera un trou parmi les trous de l'enfer. Un trou parmi les trous de l'enfer. Voilà, Azubillah. Salifan, annaman ankara azab al-kabr, fawa mubtadi'a. Et celui qui renie le châtiment de la tombe, c'est un innovateur. Et généralement, les gens qui renient ce châtiment-là, ce sont les Mu'tazila. Souvent, c'est eux, car ils font passer la religion selon leur raison. Ce qui ne rentre pas dans leur raison et dans le... comment on dit ? Ce qui est visible, palpable, ils n'y croient pas. Comme ils disent la fameuse règle, je ne crois que ce que je vois. Et ça, à la base, c'était la qaïda des Yahoud. Comme à Kalou, il y a Moussa, l'anoumina bika hatta narallah jahra. Ils ont dit au Moussa, nous ne croirons pas en toi tant que nous ne verrons pas Allah clairement. Rabi'an, hirs al-sahabati radiallahu anhum ala l'ilmi wa annahum lam yada'u shay'an yahtajou nas ila fahmihi ila sa'alu anhu. Et là, on voit le souci que portaient les sahaba au ilm et qui n'ont rien laissé dont les gens avaient besoin sans interroger à ce sujet. Tout ce dont on a besoin aujourd'hui en religion, les sahaba ont questionné à cela et cela nous est parvenu. Aujourd'hui, tout ce qu'on a à savoir de la religion nous est parvenu. Et ce qu'on n'a pas à savoir, on ne le connaît pas. C'est qu'on n'a pas de haja. Car Allah Azzawajal a préservé sa religion et le but justement, c'est qu'on ait eu quand on kémat al-hujja alayna, qu'on a eu l'argument qui nous est exposé. C'est pour cela que les messagers ont été envoyés. Donc aujourd'hui, il n'y a rien de la religion sans qu'il ne soit parvenu selon on a besoin de savoir. Et Yom Kippour, on ne pourra pas dire, Ya Rabbi, on ne savait pas. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait son travail. Et les Sahaba ont fait leur travail. Et les imams, parmi les awliyas d'Allah azawajal, parmi les savants, ont fait leur travail. Nous faire parvenir dans la mesure du possible. Après, c'est nous, le consul, les nous, chez nous, dans la recherche de cette vérité. Sinon, les salafs ont fait leur travail par rapport à ça. طيب وقلنا السادس حديث وقصير كذلك ثم حديث ثم باب الشفاعة لأهل الكبائر من المسلمين l'intercession pour les gens des grands péchés parmi les مسلمين c'est important car celui qui n'est pas parmi les مسلمين il n'y a pas de شفاعة pour eux la شفاعة elle est que pour les مؤمنين et la شفاعة elle a deux conditions Man yaskuruhuma. Qui les cite ? La shafa'a. C'est quoi les conditions de la shafa'a ? Ben, trois conditions, en fait. Je disais, c'est trois. Première condition, c'est quoi ? Man yashfa'u indahu. Man yashfa'u indahu. Izan, charte al-awwal. Qui intercède auprès de lui, si ce n'est avec sa permission. Donc, première condition, que Allah le permette. Deuxième condition, qui peut intercéder ? Qui peut intercéder ? N'importe qui peut intercéder ? Non. Qui ? N'importe man, radiallahu anhu. C'est-à-dire ? Un Nabi. Fais une réponse plus générale. Un Nabi. Seulement ? Un mu'minoun. Croyant. Un musulman. Vous voyez ? Un mu'ahid. Une personne que Allah Azzawajal agrée. Et pour qui on intercède ? Muslim, désobéissant. Pas de shafa'a pour le kafir. Tayyib, Allahumma illa amen Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ça a été exception faite pour l'oncle du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib. Ça, c'est parmi les khasa'is du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les particularités du Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'il a intercédé pour son oncle. C'est tout. Et c'était quoi sa shafa'a ? Tarfif azabi. Son châtiment a été minimisé. C'est tout. Sans quoi, le kafir, il n'y a pas de shafa'a pour lui. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني أخبب اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا رواه مسلم. Il a dit Nabi صلى الله عليه وسلم que chaque prophète avait une vocation exaucée. En fait, je veux dire par une vocation exaucée pour sa Ummah. Et les prophètes, les autres prophètes avant lui, ont utilisé leur invocation de leur vie, de leur vécu. Il a dit, moi, j'ai gardé la mienne, d'accord, pour le jour de la résurrection, pour ma communauté. Et elle sera, elle concernera, si Allah le veut, quiconque mourra de ma communauté sans avoir fait de shirk, sans avoir rien associé à Allah Azzawajal. Donc c'est pour qui ? Pour les muwahhidin. Cette shafa'a, elle est pour les muwahhidin. Min ahl al-kaba'ir. Donc le rawi, c'est Abu Huraira. Quand dakarna shay'an an tarjamati, on a déjà cité certains faits de sa tarjama. Donc lorsqu'il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, li kulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Chaque prophète avait une invocation exaucée. لكل منهم دعوة عامة مستجابة في أمته إما بهلاكهم وإما بنجاتهم وأما الدعوات الخاصة فمنها ما يستجاب ومنها ما لا يستجاب. Donc il a dit que chacun parmi les prophètes a une invocation exaucée vis-à-vis de sa communauté, soit pour leur destruction ou soit pour leur réussite. Qui est invoqué pour la destruction de sa communauté ? Non. Je ne connais pas. Man ? Man da'a la ummatihi bil halak ? Nuh alayhi salam. Nuh a invoqué que Allah Azzawajal extermine sa communauté. Chose qui s'est faite. Par ce qu'on appelle le toufan, le déluge. Qui est d'histoire légendaire. Quand je dis légendaire, qui a traversé le temps et qu'on connaît tous. C'est pas une légende, genre c'est un mensonge. C'est une chose qui s'est répandue auprès des gens, qui est même écrite dans les kutub des gens du livre. Sauf que nous, on y croit. Alors que c'est bancal. Tayyib. Et certains ont invoqué en faveur de leur Ummah, comme ce fut le cas d'Ibrahim alayhi salam. Et donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lui, a gardé son invocation pour la Shafa'a. Yom al-Qiyamah. Pour sa umma khasatan. Et dans le hadith, sa'ala Abu Huraira al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, faqala man as'ad al-nas bi shafa'atik. Faqala laqad al-'ilmtu amma as'alani 'an hadha illa anta li'ilmi bi hirsika 'ala al-'ilm aw li ma'rifati bik li hirsika 'ala al-'ilm. Il a dit Abu Huraira qui interroge le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les gens les plus heureux de ta shafa'a yawm al-qiyamah. Il a dit, je savais que personne d'autre que toi ne m'interrogerait à ce sujet pour le souci que tu portes au ilm. Et après, il a répondu ça, que mon intercession sera pour les gens des grands péchés de ma communauté. Hélène, c'est quelle communauté dont il parle le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ? Ay Ummah, quand il dit ma communauté. C'est-à-dire ? La dernière fois, on a parlé, il y a un Taksim. De quelle communauté il parle là ? Il y en a deux, c'est laquelle là ? On est tous sa communauté à partir de lui. C'est là qu'elle se divise en deux, justement. Là, c'est laquelle qui concernait, là. Shafa'ati li al-kaba'ir min ummati. De ma communauté. C'est laquelle des deux qui est liée à ce hadith ? Si tu sais. Tu sais. Cette communauté se divise en deux. Ça ? Ouais. Quelles sont ces deux catégories ? Les noms, je les ai plus. Don bil-ma'na. Na'am. Na'am et ? Dis en français avec le sens que tu connais. Une umma ceci, une umma cela. Ceux qui ont répondu favorablement à l'appel. Ça, c'est ummat al-istijaba. Et l'autre, c'est quoi ? La communauté de l'appel et la communauté de ceux qui ont répondu. Ah, ouais. Et là, c'est laquelle de communauté qui considère ? Celle de l'appel ou celle de ceux qui ont répondu favorablement ? Ummat al-istijaba. Là, c'est les musulmans, les croyants qui parlent. Qui parlent. Taïm. يقول الشرح الإجمالي explication générale. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل نبي من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه له دعوة مستجابة في أمته لهم أو عليهم وكل نبي تعجل دعوته إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه أخر دعوته ليوم القيامة ليشفع لهم في أشد حاجتهم إلى دعوته وشفاعته. والمراد بها الشفاعة في أهل الكبائر من أمته من مات منهم على التوحيد فيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam informe que chaque prophète avait une invocation générale vis-à-vis de sa communauté qui est exaucée. Soit en leur faveur, soit contre eux. Et qu'ils ont tous utilisé leur invocation. Ils ont tous fait usage. Soit pour, soit contre leur umma. À part le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui l'a gardé lui son invocation, son dua, en leur faveur, mais à quel moment ? Yom al-Qiyamah. Et pour qui ? Pour les muwahidun, les gens du tawhid, parmi les gens qui ont fait des grands péchés. Pour les faire sortir du feu, quiconque aura l'équivalent d'un grain d'atome de foi dans son cœur. Donc une fois de plus, ça amène les gens à savoir que leur sauve, seul issue de sauvegarde, leur seule issue et sabab de sauvegarde, c'est le tawhid. C'est le tawhid, et pourtant, tu vois, les gens, c'est la chose à laquelle s'intéresse le moins. S'intéresse le moins, c'est le tawhid. Tu vois. Tu auras des événements, tout le monde va être là, tu parles de tawhid, il n'y a pas grand monde. Comme si c'était acquis, alors que c'est loin, loin, loin d'être acquis. Et la plus grande hujja qui prouve que cela est loin d'être acquis, c'est le hal dans lequel on est. Si le tawhid était acquis, le monde se rentre dans nos mains alors qu'il est. Biznillah ta'ala. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, les musulmans sont rabaissés. Pourquoi ? Parce que le tawhid, ce n'est pas acquis. Les gens vont dans tous les sens, sauf dans la bonne direction. Le chemin, il est là. Ils vont à droite, ils vont à gauche, ils vont derrière, ils vont en haut, ils vont en bas. On dit non, c'est tout droit, c'est devant toi. Ils vont partout, sauf là, il faut aller. Résultat, de façon générale, il est mancha Allah, il est mancha Allah, c'est perdu. Et il nous arrive ce qui nous arrive, on subit ce qu'on subit. Et tant que les gens ne voudront pas comprendre ça, ils vont se fatiguer pour rien, malheureusement. Ils se fatiguent, ils s'essoufflent pour rien. Yaqul fawaid al-hadith. Kamal shafaqat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam ala ummatihi wa ra'fatihi bihim fa'akhara da'watahu li ummatihi ila aham awqat hajatihim. Ce qui prouve la compassion du Nabi sallallahu alayhi wa sallam envers sa communauté et qu'il a repoussé son invocation pour eux au moment où ils en ont le plus besoin. Au moment où ils en ont le plus besoin, c'est-à-dire Yom al-Qiyamah. ثانيا أن الشفاعة إنما تكون يوم القيامة لأهل التوحيد ولا لأهل الشرك. Cette intercession du Nabi sallallahu alayhi wa sallam et même autre que lui n'aura lieu que يوم القيامة pour les gens du tawhid, pas pour les mushrikin. ثالثا أن كل من مات غير مشركين بالله تعالى لا يخلد في النار ولو كان مصرا على الكبائر. Toute personne qui mourra sans avoir fait de shirk ne sera pas éternellement au feu, même si il persistait sur les grands péchés. Rabi'an, bayan fadl nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ala sa'ir al-anbiya, qui montre le mérite du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport aux autres prophètes. Khamisan, anna nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yashfa'u fi man ya'zanullahu lahu bi shafa'ati fihi min ahli al-kaba'ir min ummatihi. Et que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam intercédera pour les gens à qui Allah lui aura permis de sa communauté parmi les gens des grands péchés. Naam. Fahaza allazi nakhazna al-yum min hadith al-thalatha wa naktafi bihadha al-qadr. Naqul subhanaka wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.